AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Littérature lesbienne existait par les mots. Qui est Sappho ? D'ailleurs, comment écrire son nom avec un P, deux P, Sappha ? Comment est-on passé de Sappho, de Lesbos, au saphisme, au lesbianisme ? Et d'ailleurs, que signifie écrire à l'encre violette, direction Lesbos ? Aujourd'hui, nous allons trouver dans le monde grec la pureté même de la beauté, en passant quelques instants avec la merveille du lyrisme hellénique, celle que l'on a appelée la dixième muse, Sappho. Nous sommes au VIe siècle avant Jésus-Christ, à Mytilène, gloire de l'île de Lesbos. Jamais une flamme n'a encore donné naissance à un tel lyrisme. La passion humaine se fond dans la perfection de la beauté du paysage lesbien. La dixième muse a chanté la nuit. Bonjour Laure de Chantal. Bonjour. Archives de 1953, Images éternelles, c'est le titre de l'émission qui présente Sappho, première poétesse maudite. Voilà ce qui est dit. Qui est Sappho du point de vue historique ? Alors du point de vue historique, elle a vécu, comme le rappelait l'archive, environ au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire d'elle. C'est-à-dire qu'elle a vécu à Lesbos, ça c'est sûr. Et tout le reste, on le sait, par les poèmes d'elle qu'on a retrouvés, qui ne sont que des fragments. On a deux poèmes d'elle complets, un troisième si il est authentifié, donc s'il est vrai, parce que c'est encore à caution, parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que des poèmes de Sappho, des fragments, et plus généralement des textes de l'Antiquité, on en retrouve tous les ans. Donc il y a beaucoup d'espoir. Et donc, on sait d'elle qu'elle a vécu à Lesbos, et après, comme le signalait l'archive également, elle a inventé, et ça c'est vraiment une invention génialissime, elle a inventé le lyrisme. Donc pour le dire en quelques mots, le lyrisme, c'est du point de vue pratique, s'accompagner d'une lyre, donc chanter à la guitare, pour le dire en termes modernes. Et donc le lyrisme, c'est écrire un poème sur soi qui va parler à tout le monde. Et ça, c'est difficile à faire. Sappho de Mytilène, elle l'a inventé et y est arrivée. Donc dans ses poèmes, elle parle d'elle. Et donc tout ce qu'on sait d'elle, c'est ce qu'il y a dans ses poèmes. Donc on sait qu'elle a été de nombreuses fois amoureuse, qu'elle a aimé la vie, qu'elle a vécu à Mytilène, qu'elle a eu de nombreux élèves, qu'elle a aimé beaucoup de femmes, qu'elle a aimé quelques hommes, qu'elle a eu une fille à laquelle elle a dédié des poèmes, qu'elle a eu un frère avec qui elle s'est apparemment copieusement disputée, et peut-être un mari. Éventuellement qu'elle a été exilée, et tout le reste, absolument tout le reste, et il y en a des pages et des pages, c'est ce qu'on a dit d'elle, ce qu'on a vu d'elle. Les 9 vies de Sappho, Laure de Chantal, c'est l'ouvrage que vous publiez chez Stock, avec un sous-titre, le premier écrivain est une écrivaine, on comprend pourquoi, parce que avant Sappho, il y a des textes, bien sûr, nous pensons simplement à Homère, mais c'est cette démarche-là d'écrire sur soi qui en fait une écrivaine, la première. Ça, bon, ce qui a marqué sur la couverture du livre, c'était un peu, ça semble comme une provocation, alors qu'en fait, ça devrait absolument pas l'être. Parce que, effectivement, avant Sappho, dans nos cultures, les génies, les poètes, les écrivains qui décident d'écrire ou de chanter, parce que c'est ce qui est fait dans l'Antiquité, commencent toujours leurs poèmes, leurs textes, par demander l'inspiration à aux muses ou aux dieux. Donc si vous avez des souvenirs de l'Iliade et l'Odyssée, c'est « Dis-moi, muse, la colère d'Achille, dis-moi, Dieu, l'homme qui a beaucoup souffert, Ulysse ». Sappho, la première, et il faut concevoir à quel point c'est un geste absolument révolutionnaire, dit « Non, moi je vais pas demander l'aide des dieux, je vais dire « je vais parler moi ». Donc le fait que le premier écrivain en général soit une femme, c'est quelque chose que, enfin, intellectuellement, normalement, tout le monde devrait savoir. Et c'est... pourtant, on ne le sait pas. Mais non, on le sait pas. C'est pour ça que c'est important de le rappeler, de revenir sur une figure qui a été tant et tant étudiée, métamorphosée, sans doute fantasmée. C'est ça, hein, ces 9 vies de Sappho, alors que vous écrivez avec 2 P, Laure de Chantal. C'est comme ça que ça s'écrit, Sappho avec 2 P. Alors ça s'est écrit de plein de manières différentes. Alors ça, c'est une question de transcription du grec. Elle-même, dans ses œuvres, quand elle s'appelle, quand elle parle d'elle, elle dit Psapha. Donc vous avez quelques traductions où on garde cette manière de prononcer. Mais la tradition, et Dieu sait que quand on a vécu au 7e siècle, enfin en moins 700 avant Jésus-Christ ou en moins 600, parce qu'on la datation n'est pas exacte, on n'est pas sûr, Dieu sait que la tradition est longue. Si on veut être compris, ben, il faut garder l'orthographe la plus fréquente. Mais c'est vrai que pendant longtemps, elle s'est appelée Sappho. Elle a même eu un petit nom qui est assez mignon, qu'on trouve chez Baudelaire. Des fois, c'est Saffon. D'accord, parce que Baudelaire, évidemment, fait partie de ceux, et alors là, avec un talent magnifique, qui se sont inspirés de Sappho. Ces 9 vies de Sappho, ce sont ses regards portés à différents moments sur cette figure venue de l'Antiquité. Oui, parce que c'est une figure qui est fondatrice, parce qu'elle cristallise à la fois le rôle qui est assigné dans les différentes cultures et dans les différentes périodes historiques à la femme de génie, voilà, et en même temps, elle sert d'égide à toutes les femmes et tous les hommes qui ont essayé de penser différemment la condition féminine et la création féminine. Donc c'est pour ça qu'elle est si importante. Dans l'Antiquité, on qualifie ça, on dit qu'elle est une muse, qu'elle a quelque chose de divin. Donc elle est également qualifiée de démon, et c'est ce qui fera que dans l'ère chrétienne, son œuvre va être brûlée pendant plusieurs siècles, ce qui fait qu'aujourd'hui on a si peu d'elle. Et donc elle sert comme ça un peu de bon génie à toutes les personnes qui ont essayé de faire évoluer les choses par les mots. Son nom est dans notre vocabulaire. De Sappho est venu le saphisme, c'est l'homosexualité féminine telle que l'a défini le dictionnaire. Et puis avec lesbos, nous avons le lesbianisme et les lesbiennes. Est-ce que ce serait pertinent, Laure de Chantal, de demander si Sappho était lesbienne, au sens où, en se plaçant dans l'Antiquité, le mot même d'homosexualité, de lesbianisme, n'a pas vraiment de sens, en fait? Alors, j'ai envie de vous faire une réponse de Normand. Allez-y. Voilà. Sappho est lesbienne, entièrement oui et entièrement non. Voilà. Parce que, donc elle est lesbienne d'abord parce que c'est une habitante de Lesbos. Mais effectivement, sur sa sexualité, on va dire, elle aime autant des hommes que... elle a même peut-être, dans ses poèmes, on la présente un petit peu plus comme aimant des femmes. Mais encore, on n'a pas tous ses poèmes, donc on ne peut pas avoir le fin mot de l'histoire. Et c'est ça qui la rend si riche. Mais effectivement, dans l'Antiquité, il y a quelque chose d'extrêmement important. Nous, on garde une vision, enfin, on a, et sur certains points, on peut comprendre les anciens, on peut comprendre l'Antiquité. Il y a des endroits, il y a des moments où il y a eu des écarts, des choses qui sont radicalement différentes. Et. On ne peut plus réellement revenir en arrière, et notamment sur ce qui est la façon d'aborder la sexualité. Pour schématiser, enfin nous, notre sexualité est quelque chose qui est lié à notre identité. C'est-à-dire qu'on va se définir, on va se positionner par rapport à un certain nombre de choix qu'on va faire dans son existence pour définir si on est si on est homosexuel, hétérosexuel ou autre chose. Bon, Sappho, dans l'Antiquité, particulièrement dans l'Antiquité, parce que l'Antiquité, c'est très long, et la période où vit Sappho, en plus, c'est l'Antiquité archaïque, donc c'est encore autre chose. La sexualité n'est absolument pas quelque chose qui permet, c'est pas quelque chose d'identitaire, surtout c'est pas quelque chose de dogmatique. S'il y a une idée générale à retenir de l'Antiquité, ça semble une évidence, mais faut quand même le rappeler, c'est que c'est une société qui est païenne, donc qui n'est pas dogmatique, comme on l'entend nous, et où la pluralité, la possibilité qu'il y ait plusieurs mondes, plusieurs façons de voir les choses, est toujours là. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'intolérance ou d'autres choses, mais on est dans le pluriel. Et donc, pour la sexualité, on peut passer d'une condition, d'un choix à un autre, et ce qui prime, c'est l'histoire qu'on a avec quelqu'un, les sentiments qu'il va provoquer, les expériences qu'ils vont nous donner, absolument pas quelque chose de définitif auquel il va falloir devoir se raccrocher et être tel toute sa vie. Et le social, c'est-à-dire la lecture sociale de la sexualité qui prime plutôt qu'une lecture telle que elle nous est imposée, disons-le simplement, par cette longue histoire du genre où on nous a longtemps assigné dans des genres extrêmement définis. Voilà, donc par rapport à l'Antiquité, à la sexualité dans l'Antiquité, voilà, c'est pas comme pour nous. En revanche, aujourd'hui, Sappho est lesbienne au sens où on l'entend nous, mais c'est une invention assez récente dans l'histoire, on va dire, de Sappho, puisqu'elle a une date assez précise et elle est française. Elle vient du procès des Fleurs du Mal. 1857, le Second Empire. Il faut savoir également, faut rappeler que donc Baudelaire, amoureux de Sappho, hein, on peut pas le dire différemment, à l'origine voulait intituler son livre Les Lesbiennes. Voilà. Et il veut écrire Les Lesbiennes et puis finalement ça donne Les Fleurs du Mal. Hein, comme souvent quand on écrit, on veut écrire quelque chose et puis l'œuvre, la muse, là on va dire, nous guide vers autre chose. Et donc Les Fleurs du Mal ont un procès en 1857. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard où je raconte... Allez-y, Laure voilà. De Chantal. Donc, quelques mois auparavant, il y a eu un premier procès qui a été fait à Madame Bovary, enfin qui a été fait à Flaubert, pas forcément à Madame, enfin sur Madame Bovary. Flaubert s'en est sorti grâce à l'appui de l'impératrice. Le même procureur, qui a un nom, on va dire absolument d'une grande élégance, comme ce qu'il a fait, s'appelle Ernest Pinard, et là, il attend Les Fleurs du Mal pour une seule chose, lui, c'est pour enfin gagner son procès. Donc, une cabale est organisée via un journaliste qui commence à dire que le livre n'est pas très bon, et puis à désigner en plus certains passages qui sont vraiment outrage aux bonnes mœurs. Donc là, ça suffit. La police arrive chez l'éditeur, les livres sont saisis et il y a un procès. Le procès, il y a deux chefs d'accusation qui sont donnés contre Baudelaire. Le premier, c'est outrage à la religion, à cause des litanies de Satan, du reniement de Saint-Pierre, et le deuxième, c'est outrage aux bonnes mœurs. Donc, dans outrage aux bonnes mœurs, si on lit le réquisitoire de Pinard, qui est un excellent juriste, un excellent procureur, de quoi il est question? Il pointe les choses par le menu. Il n'est question que d'une chose, de plaisir féminin. Qu'est-ce qui est incriminé? C'est la femme vampire. La femme vampire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrache son bustier, elle se libère, littéralement. C'est le poème des bijoux. Que fait la femme dans les bijoux? Elle s'approche de l'homme, c'est elle qui a l'initiative de la sexualité, qui lance les choses. Et les poèmes sur les femmes damnées, donc à proprement les poèmes sur deux femmes qui sont ensemble, qui viennent de passer un moment d'amour exceptionnel, et l'une qui demande à l'autre, mais qu'est-ce qui va nous arriver par la suite? Et celle-ci qui lui répond, ben voilà, on est des femmes damnées, parce que c'est, en fait, on a le choix entre le malheur ou le malheur. Soit vous allez être contrainte d'épouser quelqu'un et vous allez toute votre vie avec quelqu'un que vous n'aimez pas et puis qui va vous faire du mal parce que justement vous ne l'aimerez pas, soit ben, c'est l'opprobre. Donc, il énonce comme ça, Pinard, les poèmes. Donc, tout le monde se régale de la lecture au passage. Et surtout, il met bien en place sa stratégie qui est de dire, on va pas juger la qualité littéraire du livre, on n'est pas là pour ça, on est pour juger de est-ce qu'il peut être mis entre les mains de tout le monde. Bon. Baudelaire, pour ce qui est de l'atteinte à la religion, aucun problème. En revanche, pour l'atteinte aux bonnes mœurs, et dans ce qui est énoncé par bonnes mœurs, c'est vraiment clairement dire ben, des femmes qui ont du désir et qui ont du plaisir sans l'aval ou le besoin des hommes, là, il est condamné. Et ces pièces sont retirées de l'édition française jusqu'à tard, hein, jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Il y a loin de Sappho de l'Antiquité, qui est authentiquement lesbienne, vous l'avez dit avec justesse lors de Chantal, puisqu'elle habite Lesbos. Et cette lecture de la fin du 19e siècle, 1857, par Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, qui est une autre Sappho, une de ces différentes Sapphos qui ont traversé les siècles, alors que la Sappho originelle, faut l'écouter. C'est très beau. La prière à Aphrodite, un des seuls longs poèmes qui nous soit parvenu, est un appel à la déesse pour qu'elle soulage Sappho de l'absence la plus affreuse, celle où se trouvent les mal-aimés. Voici le poème tel qu'a su le traduire Robert Brasillach. Aphrodite, fille de Dieu, ô tisseuse immortelle au trône étincelant, ne laisse pas mon cœur. Écoute-en mon vœu, ô reine, s'affliger sur les dégoûts pesants. Oh, reviens, si jamais naguère tu as su m'écouter, entendre au loin ma voix alors que tu quittais pour accourir vers moi la maison dorée de ton père. De rapides moineaux, à ton char attelé, t'emportaient tout autour de notre sombre terre, secouaient dans le vent l'aile aux plumes serrées et d'en haut tiraient droit par le travers de l'air. Et vite, ils étaient là. Et toi, ô mon bonheur, d'un sourire éclairant ton visage immortel, tu demandais le nom de ma neuve douleur, et pourquoi mon appel ? Et pourquoi son appel ? C'est Jeanne Allard qui lisait cet extrait d'un poème de Sappho dans l'émission Heure de culture française en 1962, poème traduit par Robert Brasillach, c'est toujours étonnant, mais condamné après la Seconde Guerre mondiale et fusillé. C'est une histoire très complexe que celle de l'interprétation d'une œuvre antique et au-delà de ça, d'un personnage, Sappho. Bonjour, Aurore Turbio. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes doctorante à Sorbonne Université et vous avez participé à cet ouvrage « Écrire à l'encre violette, littérature lesbienne en France de 1900 à nos jours ». D'ailleurs, que reste-t-il de Sappho dans cette littérature-là ? Avec Laure de Chantal, nous évoquions ça, l'idée que ce personnage a été transformé pour la réduire, mais d'un point de vue masculin, je pense, à une sexualité complètement fantasmée. Sappho est une figure revendiquée par les autrices lesbiennes. Oui, absolument. C'est une autrice revendiquée comme totalement lesbienne. Pour le coup, il y a très peu de questions au XXe siècle hein, sur la dimension lesbienne de Sappho. C'était moins le cas auparavant, où d'autres écrivaines qui la prenaient aussi pour figure tutélaire, comme Madame de Scudéry, ou je pense aussi à Germaine de Staël, citaient Sappho et utilisaient la version hétérosexuelle de la Sappho qui était connue à l'époque. À partir du XXe siècle, et en fait à partir de sa réappropriation par René Vivien, par Nathalie Barnet, par toute une série d'autrices qui écrivent à partir de 1900. Sappho est lesbienne et Sappho est cette fois une figure tutélaire des écrivaines, non plus simplement écrivain femme, mais aussi vraiment écrivaine lesbienne. Et donc ce qu'on voit à cette époque-là, à partir de 1900, c'est vraiment une double réappropriation. D'un côté, Sappho, son imaginaire, alors, tout ce qui relève du sapphisme, tout ce qui relève de la valorisation des thématiques lesbiennes, érotiques, qui sont traitées par ces autrices en contrepoint finalement des visions masculines qui ont été développées dans les décennies précédentes à partir de Baudelaire notamment, mais pas que du tout. Donc elles réagissent contre ces visions masculines, souvent fétichisées du lesbianisme, en affirmant que non, Sappho, la leur, est lesbienne. Et c'est un lesbianisme qui n'est pas simplement saphique au sens thématique, mais qui est aussi politique et qui prend des dimensions qui vont en fait bien au-delà des thématiques saphiques érotiques développées à la fin du 19e siècle. Parce que dans ces 9 vies de Sappho, Laure de Chantal, il y a cette réflexion d'une Sappho qui est porteuse du féminisme, mais féminisme ne veut pas dire lesbianisme. Enfin, ce sont deux mouvements qui vont de pair, éventuellement, mais pas seulement. C'est ça aussi, hein, c'est que les 9 vies de Sappho, il y a une Sappho que nous avons évoquée, qui peut être revendiquée dans la littérature lesbienne, et une Sappho qui peut être revendiquée par toutes les femmes ou tous les hommes qui portent le féminisme. Oui, parce que Sappho donne une dimension. En fait, c'est pour nous, ce que j'ai voulu montrer dans cet ouvrage, c'est que la question de la place de la femme dans l'écriture et du féminisme n'était absolument pas quelque chose de récent, ce qui lui donne à la fois une profondeur historique et ce qui en montre aussi donc sa vérité, parce que bon, dès qu'il y a une histoire, ça veut dire qu'il y a une vérité d'un concept. Et qu'on peut en faire l'histoire, mais qui montre aussi que les luttes et les combats sont pas prêts de s'arrêter finalement, parce que en fait, Sappho sert effectivement de, on va dire ouais, d'égide ou de leader féministe à toutes les époques et à toutes les époques. Ce qui est effrayant, c'est de constater que les autrices qui en parlent sont invisibilisées et ne connaissent absolument pas la postérité à laquelle elles auraient droit. Il y a quelque chose de vraiment très troublant hein, quand on parcourt comme ça tant de siècles d'histoire autour d'une figure, c'est de voir à quel point, en tous les domaines, dès qu'il s'agit d'une femme, c'est numéro 2. C'est comme la sécurité sociale, quoi. C'est numéro 2 un jour, numéro 2 toujours. Et dans la littérature, c'est pareil. Et dans la postérité, c'est pareil. C'est-à-dire que vous citiez très justement Madeleine de Scudéry, qui est une autrice donc, du XVIIe siècle. Quand on la connaît encore, on la connaît comme précieuse, ridicule. Mais en réalité, au XVIIe siècle, c'est vraiment, elle a écrit les livres qui ont été, elle a écrit le livre le plus long de l'histoire de la littérature française jusqu'à très récemment. Elle est extrêmement reconnue. Ses livres sont des best-sellers. Et puis maintenant, nous, on la connaît quasiment plus. Et la place qu'elle donne à Sappho est très intéressante parce qu'elle lui donne, et c'est une dimension qui a dans les réappropriations de Sappho, elle lui donne une place politique. C'est-à-dire que Sappho est quasiment un leader et elle se sert également d'elle pour donner une critique du mariage qui est d'une modernité, mais époustouflante. Avec cet aspect politique, hein, Aurore Tourbiot. Oui, c'est pour ça que je voulais réagir aussi sur ce que vous disiez, que c'était peut-être une vision réductrice de lesbianiser finalement Sappho. Je crois que c'est le contraire, en tout cas c'est ce que défendent les écrivaines lesbiennes des années, du XXe siècle, très large et avec toute la diversité des positions qu'elles ont et des écritures qu'elles ont également. Mais elles revendiquent toutes que écrire lesbien, écrire à l'encre violette, c'est quelque chose qui ouvre des perspectives au lieu de les fermer. C'est ce que développe par exemple Monique Wittig, sans doute l'une des plus grandes théoriciennes du lesbianisme en littérature dans les années 70-80. C'est que le point de vue particulier est en fait un point de vue qui peut s'universaliser. Et vraiment, c'est quelque chose, un leitmotiv qu'on retrouve tout le temps. Bien que le monde hétéropatriarcal voit cela comme une minorisation, comme une réduction, elle défend au contraire que non, cela ouvre de nouveaux dialogues dans l'histoire littéraire, retrouve des généalogies perdues, notamment toutes ces femmes dont on parlait qui ont été invisibilisées et qu'il s'agit de remettre, de relire et de mettre en relation les unes avec les autres. Donc en fait, c'est toute une nouvelle histoire de la littérature, non seulement lesbienne, mais également générale, qui se réouvre à partir du moment où on s'autorise à poser l'étiquette lesbienne. C'est pour ça que votre livraison, mais l'ensemble de l'ouvrage « Écrire à l'encre violette » est passionnant, parce qu'on comprend aussi dans une histoire, alors celle qui s'écrit dans « Écrire à l'encre violette », c'est sur un siècle, mais ça peut s'inscrire dans une histoire plus large, avec une réflexion malgré tout qui nécessite définition, celle de littérature lesbienne. Quand entend-on par littérature lesbienne, c'est écrit par des femmes lesbiennes, ce sont des ouvrages qui parlent de femmes lesbiennes. Qu'est-ce que la littérature lesbienne ? Ouais, alors c'est une énorme question sur laquelle on s'est penché longtemps et on continuera de se pencher longtemps. Je pense que tout ce qu'on a déjà pu dire depuis le début de l'émission rend le problème vraiment tangible. C'est que un premier problème se pose à partir du moment où, en effet, Sappho redevient lesbienne à partir du moment où des hommes écrivent le lesbianisme. Un certain nombre de chercheurs ont dit, par exemple, que l'écriture lesbienne, la littérature lesbienne, avait d'abord et avant tout été écrite par des hommes, ce qui paraît, en tout cas à nos yeux de 2023, un peu choquant, puisqu'on est habitué aujourd'hui à penser en termes de situation, de point de vue situé, en termes d'identité, comme on le disait tout à l'heure. et où il nous paraît beaucoup plus évident aujourd'hui qu'elle est lesbienne, ce qui est énoncé par des lesbiennes et pour des lesbiennes. Mais c'est pourtant absolument pas une évidence au regard de l'histoire des identités de genre et de sexualité. Alors en fait, on a plusieurs critères possibles pour définir la littérature lesbienne. Dans le livre, on en a présenté un certain nombre. Celui qui paraît, il y en a trois qui paraissent vraiment particulièrement évidents. Le critère biographique, faut-il être lesbienne pour écrire lesbien? C'est une question qui à la fois fonctionne et à la fois ne fonctionne pas. Parce que, par exemple, un certain nombre d'autrices bisexuelles comme Violette Le Duc ou comme Simone de Beauvoir ou Christiane Rochefort ont écrit des histoires lesbiennes, donc qui racontent des histoires d'amour et de relations entre femmes. Elles étaient pourtant, sur le plan biographique, des autrices bisexuelles. Autre point très problématique, c'est simplement que jusqu'à très très récemment, en fait, les femmes étaient socialement obligées de se marier, avaient de fait des relations avec des hommes, et il est très difficile de savoir rétrospectivement si cette autrice était ou pas lesbienne. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a écrit ce texte ou pas. Donc le critère biographique marche et ne marche pas. On a aussi le critère thématique. Elle est lesbienne dans ce cas un texte qui parle de relations amoureuses et sexuelles entre femmes. Là, on achoppe un peu sur l'écueil qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ce cas, si on prend ce critère-là, tous les livres écrits par des hommes ou par des personnes qui représentaient les lesbiennes de manière parfois pornographique, par exemple, hein, parce que c'est quand même, ça fait partie de l'histoire du lesbianisme en littérature, dans ce cas, tous ces livres-là doivent être dits lesbiens, ce qui pose problème sur le plan de l'autodéfinition. C'est un regard qui objectifie les femmes, qui ne les place pas comme sujets. Et dans ce cas, ça devient problématique de parler comme ça de littérature lesbienne si c'est cette littérature qui parle simplement de lesbianisme. Un autre critère évident, c'est la réception. Est lesbien, dans ce cas, un texte qui est reçu comme lesbien, qui est positionné comme tel par un public lui-même souvent lesbien. Cela peut fonctionner, mais c'est pareil, les critères biographiques et thématiques en général se voient très déformés par rapport à ce critère-là. Si bien qu'en fait, aucun critère ne fonctionne jamais vraiment pour définir la littérature lesbienne. Et lorsqu'on a publié ce livre, donc il y a un an, on est quand même parti du principe que rien ne marchait absolument en tout temps, en tout contexte, et qu'il fallait précisément pour chacune des œuvres essayer d'examiner par combinaison un certain nombre de ces critères. Une chose qu'on a donc retenue pour définir la littérature lesbienne, c'est la conjonction d'un certain nombre de ces critères et quand même une attention forte portée à la notion de situation, c'est-à-dire qu'on s'est quand même très concrètement concentré sur des œuvres écrites par des femmes, globalement pour des femmes et parlant de femmes, même si on a inclus du coup, des auteurs trans, par exemple, qui ont écrit lesbien à une époque, donc des hommes. Mais ce sont, avec toujours une question de genre forte. Avec cette couleur, le violet, écrire à l'encre violette, dès qu'il est question d'histoire et de couleur, évidemment, celui qui intervient, c'est l'historien Michel Pastoureau. Les problèmes de la couleur sont d'abord des problèmes de société, et dans mon travail d'historien, je donne priorité à cette idée, mais il est vrai aussi qu'il y a des histoires individuelles. Moi, par exemple, je n'aime pas le violet, je suis même agressé par le violet, et ça fait longtemps. Je me suis souvenu, en parlant avec ma cousine, avec ma sœur, que quand nous étions enfants, et que nous allions chez notre grand-mère, qui habitait boulevard Raspail, il y avait, à l'appartement au-dessus, une très méchante femme qui détestait les enfants et qui nous grondait tout le temps. Et cette femme avait constamment sur la tête une espèce de turban, chapeau, couvre-chef de couleur violette. Et il n'est pas impossible, en faisant de la psychanalyse à la petite semaine, que mon aversion pour le violet vienne de cette méchante femme qui m'avait réprimandé parce que je voulais prendre l'ascenseur tout seul, parce que je jouais dans la cour, que je faisais du bruit. Une histoire personnelle qui vient se fondre dans une histoire sociale des couleurs beaucoup plus large. En 2013, Michel Pastoureau expliquait sur France Culture pourquoi il n'aimait pas le violet. Laure de Chantal, quel lien peut-on faire entre cette couleur, le violet, et Sappho? Alors, c'est essentiel parce qu'effectivement, depuis, le violet est devenu la couleur du féminisme et du lesbianisme. Et c'est une très belle chose qui vienne précisément de Sappho. Alors, il ne vient pas exactement. Enfin, Sappho, dans ses poèmes, parle énormément de la nature parce qu'elle parle de ses amours pour pour des femmes et des hommes, et aussi pour sa fille. Mais elle parle aussi énormément, et c'est ce qui rend ses poèmes si beaux, de la nature qui l'environne. Et Lesbos devait être vraiment un paradis à en croire ses poèmes. Elle parle notamment énormément de fleurs. Pourquoi ? Parce que avec les fleurs, on fait des couronnes. Que la couronne, le fait de tresser une couronne est quelque chose de strictement féminin qui s'apprend et qui se transmet et qui s'offre. On n'offre pas des bouquets de fleurs dans l'Antiquité, on offre des couronnes. Ces couronnes qui servent aussi pour les fêtes et notamment les mariages. Et Sappho a composé énormément de poésie de mariage qui s'appelle les épithalames. Bref, les fleurs violettes sont au cœur de ses poèmes, en même temps que d'autres, en même temps que les roses. Et il y a un magnifique poème où elle raconte, elle parle d'un amour qu'elle a eu pour une femme qui s'appelle Attis, et elle lui dit « Souviens-toi des couronnes de fleurs violettes que je t'ai offertes et que tu as posées sur mes seins. » Enfin, un poème magnifique. Et donc, elle est associée aux fleurs les violettes, mais pas seulement, elle est aussi associée à d'autres fleurs. En revanche, un autre poète de son île, qui s'appelle Alcée, qui est un tout petit peu plus jeune qu'elle, parle de Sappho en parlant de la beauté de sa chevelure et en la comparant à des violettes. C'est Sappho à la chevelure violette, donc la chevelure thème très baudelairien. Et donc c'est à partir de ça que le violet est associé à Sappho. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que justement l'origine de cette couleur est un regard masculin. C'est-à-dire que Sappho, c'est le violet. Pourquoi ? Parce qu'un autre poète désigne ses cheveux par cette couleur. Et pour ce qui est du point de vue vraiment pratique du violet dans l'Antiquité, pourquoi il parle des cheveux de Sappho comme violet ? Enfin, c'est pas qu'elle a des reflets violets ou qu'elle s'éteint les cheveux. C'est simplement parce que ses cheveux ont la densité et surtout la douceur, si jamais vous caressez des pétales de violette, des fleurs, les violettes. D'où la couleur de la couverture de votre livre, Laure de Chantal, Les Neuf Vies de Sappho, ça tend vers le violet. Et évidemment, écrire à l'encre violette, on pouvait pas s'attendre à autre chose que du violet. Je rappelle quand même que le violet est la couleur de France Culture. Donc nous sommes aujourd'hui dans une émission authentiquement violette sur une chaîne authentiquement violette. Aurore Turbiot, pourquoi le violet dans cette longue histoire ? Oui, alors c'est parce qu'effectivement, le violet vient de Sappho et en fait a été réutilisé comme couleur emblématique du lesbianisme par quantité d'écrivaines, mais aussi de militantes, enfin, toutes les personnes qui ont fait l'histoire du lesbianisme depuis un certain temps. Renée Vivien a travaillé la couleur violette dans ses poèmes énormément, ça faisait partie de son travail poétique central. Par la suite, la couleur violette est devenue un emblème, un signe de reconnaissance entre lesbiennes dans les moments où justement il fallait, pour pouvoir se reconnaître, porter des signes de reconnaissance. Elle a été la fleur violette, cette fois, un outil de folklore aussi, puisque des fleurs pouvaient être glissées dans les enveloppes, par exemple, pour les correspondances amoureuses. Et puis... Après, il y a toute une autre constellation d'occurrences qui faisait que ça faisait sens d'intituler cette histoire de la littérature lesbienne comme « Écrire à l'encre violette ». Je pense par exemple au nom de Violette Leduc, l'une des autrices principales de la moitié du XXe siècle. Et puis, bien sûr, le moment des années 70, puisque aux États-Unis en particulier, la lavender menace, en fait, désigne les lesbiennes, la menace que les lesbiennes feraient peser sur le mouvement féministe, puisqu'elles le discréditeraient aux yeux du public. C'est Betty Friedan qui parle de cette menace lavande, et elle est réappropriée du coup par les féministes, y compris en France, y compris en littérature lesbienne, et je pense notamment à Monique Wittig, dont on a placé en exergue du livre cette citation, d'où vient le titre en réalité. Elle dit « Par milliers, les signes se pressent, écrits à l'encre violette. Marqué par l'amour infaillible, j'écris ce livre à la couleur de la lavender menace, le corps immense de ma Sappho tout couché entre les lignes. » Et elle dit qu'elle écrit « pour toutes les salguines, les petites goudous qui ont vécu l'amour lesbien comme interdit pendant beaucoup trop longtemps. Et elle annonce que à partir d'aujourd'hui, donc en 73 à partir d'aujourd'hui, il n'est plus question que le lesbianisme soit tabou et le lesbianisme redevient une force non seulement politique et sociale, mais aussi littéraire. Nous écoutons justement Monique Wittig et justement en 1973. Je tombe toujours sur les premières choses que j'ai écrites et sur comment l'écriture était pour moi un symbole de séduction d'une femme sur une autre femme, si tu veux. Mais ma vie à ce moment-là était bien différente puisque je vivais absolument dans un monde banal et normal, enfin, où il y avait des hommes et des femmes et où la situation était extrêmement pénible et difficile puisque je sentais que je n'existais pas pour les autres femmes. Et ça, ça a été la chose la plus douloureuse que j'ai vécue, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas exister pour... Eh bien, par exemple, si je marchais dans la rue et qu'une femme me plaisait, je la regardais, elle fuyait mon regard. Maintenant, ça n'arrive plus, je t'assure, ça arrive de moins en moins. Autrefois, j'avais l'impression, quand je marchais dans la rue, c'était des regards qui me passaient à travers, tu vois. Je me disais toujours, c'est drôle que Germaine Greer ait écrit son titre « Femme nuque », parce que je me disais, c'est un mot que des femmes, beaucoup de femmes ont dû penser. Je me disais toujours, mais elles ne me voient pas, mais elles me prennent pour une nuque, mais j'avais envie, tu sais, de... J'avais des envies de meurtre par moments qui étaient incroyables. J'avais envie de prendre une femme, de la secouer, de lui dire « Mais regarde-moi, mais je suis là, mais je te regarde, et pourquoi tu ne me regardes pas ?» Tu vois ? C'était fou, c'était vraiment un monde très désespéré. Monique Wittig, qui s'exprimait en 1973, une conversation avec Pascal Verneuil. Dites-nous, Aurore Turbio, en quoi Monique Wittig, qui est décédée au début de l'année 2023, est importante dans cette littérature lesbienne, et je vais plutôt le mettre au pluriel pour reprendre le sous-titre de votre livre « Écrire à l'encre violette » dans ces littératures lesbiennes. Alors, elle est décédée en 2003. En fait, cette année, les 20 ans de... Oui, pardon, enfin, excusez-moi. Oui, cette année, on commémore les 20 ans de sa mort. Oui, c'est bien, ça me permet d'en parler, parce que justement, cette année, on célèbre non seulement en fait, les 20 ans de la disparition de Monique Wittig, enfin, on les célèbre pas, on les commémore, mais on célèbre aussi les 50 ans de l'apparition du corps lesbien, le premier livre français qui porte sur sa couverture, dans son titre, le terme lesbien. Monique Wittig est une autrice très importante pour ça, parce que en fait, elle a été l'une des plus grandes théoriciennes de la littérature lesbienne. C'est l'une de celles qui ont affirmé le plus clairement que le lesbianisme était un angle pertinent pour comprendre la littérature et pour inscrire certains points de vue minoritaires, et elle parle vraiment de points de vue et elle parle de minoritaires, dans la littérature universelle. Là aussi, je cite, elle utilise le terme d'universel. Auparavant, d'autres titres, par exemple, je pense à l'idylle saphique de Liane de Plougy, d'autres titres affichaient clairement le thème lesbien. Mais dans ce passage de saphique à lesbien, ce qui s'affirme, c'est vraiment une idée politique, une idée théorique forte aussi. Celle selon laquelle, je crois qu'on en parlait au début de l'émission, celle selon laquelle les savoirs ne sont pas objectifs, ne sont pas des vérités de nulle part, qui ne dépendraient d'aucun point de vue. Tous les vécus, toutes les histoires, tous les savoirs sont situés. Et du coup, prendre des points de vue minoritaires pour comprendre le monde est finalement la meilleure manière de comprendre le monde et d'en parler. En fait, elle a été traduite de Juna Barnes, l'une des plus grandes écrivaines lesbiennes anglophone, écrivaine lesbienne qui pour autant souhaitait absolument que on ne dise pas cela d'elle, donc je la trahis en la présentant ainsi. Mais justement, Monique Wittig s'est battue avec ça, puisque pour elle, Juna Barnes était une écrivaine absolument essentielle qui avait bouleversé sa vision de la littérature et du lesbianisme. En même temps, précisément, elle ne voulait pas être présentée comme telle. Monique Wittig, à cette époque connue comme écrivaine lesbienne, l'a traduit, ce qui pose des problèmes impossibles. Et dans, du coup, l'avant-propos à sa traduction de La Passion, elle s'explique sur ce qu'est, à ses yeux, la littérature lesbienne. Et la littérature lesbienne, donc, n'est certainement pas un thème social, en tout cas pas strictement, ça l'est forcément, mais ça dépasse largement cela. Et elle s'appuie donc non seulement sur l'œuvre de Juna Barnes, mais aussi sur celle de Marcel Proust, donc écrivain homosexuel français, lu d'ailleurs à l'époque pas tellement comme homosexuel, mais de fait l'écrivain l'était. Et puis surtout, Marcel Proust, c'est quand même l'auteur d'une des plus connues œuvres de la littérature française. C'est la grande littérature française. Ce qu'elle montre en travaillant à partir de cette comparaison sur Proust et Barnes, c'est que, en fait, le point de vue à l'oblique de l'écrivain minoritaire qui entre par effraction dans la littérature, comme elle le dit, qui voit partout ce qu'elle appelle le non caché, ce qui ne donne pas son nom, c'est-à-dire donc l'homosexualité en l'occurrence. Ce point de vue oblique qui entre en littérature force à recomposer toutes les perspectives de l'écriture, force à problématiser. En réalité, c'est comme en journalisme quand on prend un angle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant qu'on ne prend pas d'angle ou de point de vue précis, on ne dit rien. On ne dit que de la généralité et on ne dit rien de vrai. Donc ce que défend Monique Wittig, c'est qu'avoir un point de vue qui entre comme ça par effraction est en fait la meilleure manière d'universaliser quelque chose. Proust en est la réussite éclatante. Elle compare simplement sur un dernier point Barnes et Proust en montrant quand même que... Elle cite Colette... elle montre que si Sodome est éternel, Gomorre est totalement invisible. Et il y a quand même une différence, voilà, entre écrivain minoritaire homme et écrivain minoritaire femme, puisque les femmes, dit-elle, sont obligées de se créer mot à mot leur contexte dans un monde où elles sont invisibilisées, comme on le disait tout à l'heure, invisibilisées signifiant en fait écrasées, sans cesse empêchées de s'exprimer parce que les mots ne sont pas là, parce que la grammaire est hostile, parce que la critique est hostile, parce que, enfin, tout un tas de paramètres en fait qui écrasent, qui effacent les tentatives d'écriture des femmes et puis des lesbiennes, a fortiori encore plus. Aurore Turbio, vous avez comparé l'importance du regard oblique dans cette littérature lesbienne au journalisme avec un angle. On pourrait mettre des claquettes et un maillot de bain et être maître nageur et aller à la piscine, parce que là aussi il y a une comparaison à faire pour bien comprendre comment un angle oblique permet de comprendre le tout de manière peut-être plus efficace que quand on est plongé dedans. Oui, ça rejoint en fait un certain nombre de pensées du XXe siècle qui sont déterminantes aussi dans le développement théorique de Monique Wittig. Je pense en l'occurrence surtout à la pensée sartrienne à laquelle elle s'oppose en partie, mais Sartre notamment développe cette image de la piscine lors d'un conflit qu'il a eu avec Camus. Bon, il est question d'engagement. Lorsqu'on est dans la piscine, on est engagé. Elle prend un peu le contre-pied de cette image, mais bref. Un autre penseur, courant théorique qui influence énormément Wittig et qui détermine cette question du point de vue, c'est la pensée marxiste, la pensée matérialiste, puisqu'elle fait partie des théoriciennes matérialistes en tant que féministe et en tant que lesbienne. Et la pensée marxiste établit qu'en fait, dans un combat social, est mieux placé pour comprendre le fonctionnement global d'une structure, d'un système de domination, celui qui est dominé, que celui qui domine. Donc on peut prendre cette image de la piscine. Lorsqu'on est hors du bain, on voit mieux ce qui se passe dedans que quand on est dans le bain. Marx prend d'autres images, enfin c'est celle de l'ouvrier et du patron, mais il y a vraiment ce sens politique profond qui est là aussi. C'est, en fait, la notion de point de vue chez Wittig est à la fois profondément politique, puisqu'elle dit que le lesbianisme permet, avoir un point de vue lesbien permet de comprendre le patriarcat et permet de comprendre à quel point du tort est fait aux femmes, et à quel point femme est une identité fabriquée par le discours, d'un côté ça. Et d'un côté, point de vue est aussi absolument une notion totalement littéraire et porte tout à fait d'autres sens narratologiques en réalité par rapport à ce sens politique premier. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, littérature lesbienne existait par les mots. Donne-moi des baisers amers comme des larmes. Le soir, quand les oiseaux s'attardent dans leur vol, nos longs accouplements sans amour ont les charmes des rapines, l'attrait farouche des viols. Tes yeux ont reflété la splendeur de l'orage. Exhale ton mépris jusqu'en ta pâmoison, ô très cher. Ouvre-moi tes lèvres avec rage. J'en boirai lentement le fiel et le poison. J'ai l'émoi du pilleur devant un butin rare, pendant la nuit de fièvre où ton regard pâlit, l'âme des conquérants éclate et barbare chante dans mon triomphe au sortir de ton lit. À un poème de René Vivien, lit sur France Culture en 1978. Lors de Chantal, quand il est question de Sappho et de ses neuf vies, il y a cette Sappho de l'Antiquité, celle lue dans l'Antiquité, celle un peu condamnée par l'Église, c'est la démone. Sappho oubliée, Sappho relue, redécouverte de tant et tant de manières. Quelle place a la poétesse René Vivien dans cette histoire ? C'est évidemment une histoire d'amour qu'elle entretient avec Sappho et c'est une histoire qui lui est très personnelle. Il y a une très jolie anecdote, parce que là on parlait des violettes. C'est Rémy de Gourmont qui raconte cela, en faisant un grand éloge de René Vivien, que René Vivien serait allé sur l'île de Lesbos, qui à l'époque était sous domination turque, donc ça rigolait pas du tout, et qu'elle serait allée planter un pied de violette sur l'île, de manière complètement illicite, parce que parmi les mille choses qui étaient interdites à cette époque par l'Empire ottoman, il y avait le fait d'aller implanter, enfin donner des nouveaux plans, on va dire. Donc elle fait ça. Elle entretient une histoire particulière parce que elle a très réellement incarné Sappho. René Vivien, mon poétesse, comme on vient de l'entendre, vraiment génialissime, vraiment c'est magnifique tout ce qu'elle écrit, a eu une enfance très malheureuse, très douloureuse, et ce qui a été des relations abominables avec sa mère pendant une grande partie. Et donc, ce qui a été sa bouée de secours, eh bien, ça a été Sappho. Comment Sappho lui est-elle arrivée ? Elle lui est arrivée par une de ses amies, qui s'appelait, je crois que c'est Violette qu'elle s'appelait, qui était avec elle, qui apprenait avec elle, et qui lui a fait découvrir non seulement la beauté de la langue grecque, mais l'amour, mais les poèmes de Sappho. Et cette jeune femme qui a sauvé René, qui lui a permis une renaissance, est morte très très jeune. Et donc, à sa mort, quand sa violette est morte, eh bien, elle a empoigné cette couronne, René Vivien, et elle est devenue elle-même Sappho. Dans certains de ses poèmes, elle demande à ce que lui revienne sa mémoire antique. Enfin, c'est comme si, elle s'était métamorphosée en Sappho à tel point qu'on l'appelle Sappho 1900. Donc, elle a un rôle charnière parce que jusque-là, Sappho était réinterprétée, recitée, apparaissait comme personnage de roman, donnant lieu à chaque fois à de nouvelles œuvres. Mais il y a quelque chose de supplémentaire et de particulièrement touchant qui arrive avec René Vivien, c'est qu'elle l'incorpore. Elle lui donne un corps au début du XXe siècle. Et ce corps est celui d'une femme qui aime les femmes, qui est un corps lesbien à proprement parler. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure au début de l'émission, Sappho, elle est lesbienne, oui, mais pour nous, elle l'est réellement parce que depuis René Vivien, c'est une femme lesbienne. Avec René Vivien, nous sommes au tout début du XXe siècle. Et bien, c'est là où commence cette étude collective, écrire à l'encre violette. Dans cette longue histoire des littératures lesbiennes en France, Aurore Turbiot, nous voyons bien cette évolution complexe avec des regards pluriels. Qu'en est-il de ce regard porté par les hommes ? Et vous l'avez dit avec justesse, nous touchons ici à la pornographie parce que il y a un regard masculin, et on pourrait citer tant et tant d'auteurs, 18e siècle, 19e siècle, qui se complaisent de ce regard-là. Les littératures lesbiennes s'en saisissent, le détournent, le rejettent ? Oui, alors je suis pas la mieux placée pour en parler. Laure de Chantal en parlera certainement mieux que moi si on complète ce propos. En effet, il y a une dimension parodique très très claire dans une grande partie de la littérature lesbienne dès René Vivien, et ça se confirme jusqu'à aujourd'hui en réalité. C'est vraiment, s'il y a quelques points communs que l'on peut donner aux littératures lesbiennes, qui encore une fois, il faut le dire, sont très diverses et très différentes les unes des autres, c'est pour ça qu'on a choisi le pluriel, un des points communs c'est la parodie et la contestation d'autres littératures lesbiennes, celles qui sont écrites par des hommes, celles qui prennent volontiers un angle érotique, objectivant, je sais jamais, pour les femmes. Lorsque Renée Vivien écrit, non seulement elle refait vivre Sappho d'une certaine manière, mais aussi elle se moque, en fait, elle se moque. Et ses poèmes sont non seulement très beaux, non seulement glorieux d'une certaine manière dans leur manière de revaloriser le lesbianisme, mais ils sont aussi très très drôles, très très drôles, et parfois, en tout cas dans les échanges qu'elle a, notamment avec Nathalie Barnet, parfois aussi assez grossiers. On a choisi de parler dans Écrire à l'encre violette d'écriture lesbienne parce qu'aussi le mot est réapproprié, je le disais tout à l'heure, mais il est réapproprié dès 1900 en tant que mot politique qui signifie aussi se moquer du sapphisme et se moquer des hommes qui ont en revalorisant le sapphisme, en fait, fait disparaître les lesbiennes quand même aussi du tableau. C'est ce dont parle Camille Isler dans ses chapitres qui portent sur le début du XXe siècle, c'est que en fait ce sont des périodes extrêmement complexes parce que d'un côté il y a une surreprésentation du lesbianisme, mais c'est une surreprésentation problématique pour les personnes qui s'identifient réellement elles comme lesbiennes, et au contraire, et de manière absolument corollaire, un effacement de celles qui essaye de revendiquer un lesbianisme incorporé. Un exemple qu'elle cite, par exemple, puisqu'on a souvent tendance à interpréter le début du XXe comme un âge d'or de la littérature lesbienne. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une certaine naissance à cette époque-là. Âge d'or, c'est plus compliqué à dire, puisque, par exemple, lorsque Colette embrasse Missy sur la scène du Moulin Rouge en 1907, cela provoque un scandale et la scène cesse immédiatement d'être représentée. Donc, d'un côté, il y a une tolérance, il y a en tout cas certainement une surreprésentation. De l'autre, quand même, encore aussi, une véritable invisibilisation et une véritable interdiction morale. Et c'est avec Sappho que l'on peut finir cette émission, évidemment, lors de Chantal, dans cette longue lutte contre l'invisibilisation des femmes écrivaines, bien sûr, mais des femmes en général. Et c'est en ça que la figure de Sappho est géniale à étudier, parce qu'on voit bien cette appropriation multiple, et on l'a dit, appropriation masculine au moment d'une lecture pornographique, qui elle-même est détournée. En fait, se réapproprier Sappho et non parvenir à la Sappho des origines, puisque nous en savons si peu, mais en tout cas, redonner aux femmes la possibilité de se saisir de Sappho. Oui, tout à fait. Et il faut bien voir aussi que pour ce qui est du regard masculin, il y a quelque chose de plus général, c'est que effectivement, dès qu'il s'agit de littérature et même dès qu'il s'agit d'enjeux de pouvoir, il y a une tendance à mettre sous le tapis tout ce qui vient du côté du féminin, et il y a aussi une crainte ou une méconnaissance du plaisir et du désir féminin. Parce que, donc il y a pour la littérature lesbienne, mais il y a aussi pour la littérature, dès qu'il est question d'érotisme au féminin, et ben tout de suite ça dérange. Et c'est ça aussi que, s'il faut terminer sur une chose pour Sappho, et pourquoi il faut lire ses œuvres aujourd'hui, c'est avant tout parce que on y découvre justement la beauté du plaisir féminin quand il est et de son désir quand il est décrit d'une manière qui n'est ni dans la parodie, ni dans la vulgarité, ni dans le fantasme masculin, mais simplement dans sa triomphante beauté. Cette triomphante beauté, Aurore Turbio, vous adhérez à cette idée-là de cette, non pas appropriation par les femmes d'une figure comme Sappho, mais en tout cas la possibilité dans les littératures lesbiennes de pouvoir dire autre chose que ce qui a pu être fait de figures aussi importantes comme Sappho, le premier écrivain était une écrivaine. Oui, je pense que le mot a été posé aussi, c'est-à-dire que alors le plaisir, déjà, il faut pouvoir parler de plaisir, mais aussi de désir. L'une des pistes de recherche actuelles sur les littératures lesbiennes, c'est vraiment ça, c'est l'articulation du comment les littératures lesbiennes sont aussi forment des constellations et des réseaux qui sont en partie déterminés par la question du désir. Et certainement, les écrivaines lesbiennes travaillent d'un point de vue littéraire à écrire ce désir et ce plaisir d'une manière forte et vraiment extrêmement belle. Et loin, tout à l'heure, vous citiez, vous disiez que ça devait être, enfin, que c'était loin de la grossièreté, de la vulgarité dans le cas de Sappho. Je pense aussi que d'autres écrivaines, et notamment, je pense à Monique Wittig, mais aussi à Violette Le Duc et en fait à un certain nombre jusqu'à aujourd'hui, qui se réapproprient aussi les thématiques de la sexualité en s'autorisant. Le monstrueux aussi, enfin monstrueux dans un sens positif, réapproprié, mais le passionnel en fait. On va retenir ce mot de plaisir parce que c'est celui que nous avons à lire. Vos ouvrages, hein, Les 9 vies de Sappho, c'est publié chez Stock, votre ouvrage L'or de Chantal. Et quant à vous, Aurore Turbio, cet ouvrage collectif Écrire à l'encre violette, publié au Cavalier Bleu. Nous sommes tout en couleurs. Merci vivement à toutes les deux de cette présentation sur un temps si long, si long, d'une figure qui fait réfléchir aujourd'hui, Sappho entre autres, à l'encre violette. Il est temps pour nous, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les ruines de Pompéi ont nourri l'imaginaire des peintres? Dès le milieu du XVIIIe siècle, les découvertes d'Herculanum, puis de Pompéi, et les premières fouilles qui en découlèrent, ont nourri l'intérêt des artistes pour l'antiquité gréco-romaine. Néanmoins, dans un premier temps, ces découvertes n'ont pas suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des artistes et des antiquaires. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour qu'un changement majeur se produise. L'importance croissante que prirent alors l'archéologie et ses découvertes, la multiplication des publications, la naissance de la photographie et l'édition des premiers guides touristiques eurent pour effet de modifier le regard des artistes sur les ruines. Dans un contexte intellectuel marqué par l'irruption de l'histoire comme une science centrée sur l'étude des archives, les ruines antiques perdirent leur fonction de décor pittoresque qu'elles avaient depuis la Renaissance pour devenir des traces témoignant de la vie des anciens. Le séjour sur les lieux devint alors la norme pour les artistes cherchant à s'imprégner de l'atmosphère particulière qui se dégage des ruines, des monuments et des habitats. Le site de Pompéi, devenu à la fois un musée en plein air et un laboratoire d'expériences scientifiques, contribua dès lors à façonner l'imaginaire antique des artistes européens. Les espaces domestiques, publics et sacrés, ainsi que la diversité et l'abondance des objets retrouvés, grâce à la multiplication des fouilles, fournirent des matériaux concrets propices à la mise en scène du passé. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'engouement pour l'histoire du quotidien antique atteint son paroxysme. Une nouvelle génération de peintres incarna cette sensibilité esthétique en prenant ses distances avec la façon dont la peinture traditionnelle représentait l'Antiquité. Délaissant les références mythologiques, ces jeunes artistes se démarquèrent de leurs prédécesseurs par une perception d'un passé plus sensuel et pittoresque. Ils privilégièrent une reconstitution des décors, des costumes, des détails architecturaux, brossant ainsi une sorte d'histoire des mœurs antiques. Ils s'attardèrent plus volontiers sur la représentation de personnages anonymes, ce qui leur permit d'établir un rapprochement imaginaire entre les acteurs du monde gréco-romain et ceux de leur époque. Ces références antiques servirent aussi de prétexte pour dévoiler le corps des femmes dans une débauche de nus à la plastique sculpturale, ennoblie par la référence à la statuaire grecque. Le succès que ces peintres rencontrèrent auprès des amateurs d'art peut être vu comme un indice de l'évolution des goûts d'un public qui demandait à l'art moins de leçons d'histoire et plus de charme. Cette nouvelle manière de représenter l'Antiquité témoigne aussi d'un intérêt croissant pour les questions sociales, même si la société romaine représentée sur ces tableaux reste majoritairement celle des puissants et des nantis. La richesse des sources explique l'intérêt des artistes pour le monde romain, mais ce fut aussi une manière de célébrer la puissance conquérante des grands pays européens et l'opulence d'une société bourgeoise en pleine expansion. Voilà qui est dit. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Ruben Kermazine. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Vuda, Jeanne Coppa, Gillian Tilly et Maïwenn Guizhou. Émission à écouter, à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.